pour aller jusqu'à Douvres, ça fait 35 km au moins. Hein, depuis le petit Calais, tu vois l'Angleterre, hein, tu vois, mais pour aller jusque là-bas, hein. Ils avaient fait une tentative, ils ont incendié la mer. Ça a duré longtemps, ça, hein? Ah ouais, et puis nous, qu'est-ce qu'on faisait, nous, hein? On l'attendait.